L'atome a un niveau d'organisation, la molécule a un niveau d'organisation, la cellule a un niveau d'organisation, l'animal a un niveau d'organisation. Et au-dessus de lui, la planète, le système solaire, la galaxie. Toutes ces structures ne sont pas indépendantes les unes des autres. Tous les niveaux d'organisation interagissent sur d'autres niveaux d'organisation. L'atome agit sur la molécule sur l'hormone sur le comportement de l'animal, l'animal sur la planète. C'est parce que la cellule a besoin de sucre qu'elle va demander à l'animal de chasser pour avoir de la nourriture. C'est à force de chasser pour avoir de la nourriture que l'homme a eu envie d'étendre son territoire et qu'il a fini par envoyer des fusées en dehors de la planète. En retour, c'est parce que l'astronaute va connaître une panne qu'il se déclenchera un ulcère à l'estomac. Et, parce qu'il y a ulcère à l'estomac, certains des atomes qui forment sa paroi stromacale verront leurs électrons se détacher du noyau pour donner des radicaux libres. Donc, les champs électriques microscopiques au niveau de l'estomac se modifieront. Zoom arrière, zoom avant, de l'atome à l'espace. Vu sous cet angle, la mort d'un animal ne signifie scientifiquement rien. Ce n'est que de l'énergie qui se transforme. L'énergie qui faisait que l'animal courait, jouait, se reproduisait, fera que, sous forme de compost mélangé à la terre, un arbre poussera et donnera des fruits. Il n'est que deux choix, le choix spiritualiste et le choix scientifique. Pour les spiritualistes, l'âme se réincarne dans plusieurs corps. Pour les scientifiques, c'est l'énergie qui se recycle sous plusieurs formes de matière. Un point commun aux deux options, nous sommes tous de l'énergie issue du Big Bang et en recyclage permanent. Micro ouvert. Les mots ont des oreilles. Ont des oreilles. Voilà, alors aujourd'hui, rencontre un peu extraordinaire, pas dans le sens animal de cirque, pas du tout, c'est pas du tout ça l'intention. Mais voilà, je vous explique, voilà, on est le 24 décembre et j'aide une copine, plutôt une amie parce que c'est vraiment une belle personne, qui tient un magasin dans la chaussée d'Ixelles. Et comme c'est les périodes de fête et que plein de gens achètent, eh bien, il faut un coup de main pour les emballages cadeaux parce que c'est vraiment la suite. Il faut du monde pour emballer. Très bien. Et du coup, c'est le 24 décembre et au soir, la patronne, je rigole en disant ça, me demande si je veux bien ou c'est moi qui propose, vous voyez nos rapports quoi, d'aller chercher des bouteilles pour inviter comme elle fait chaque année les collègues qui ont des magasins aussi sur le côté quoi. Donc je vais chercher ces bouteilles au Deleuze, à Ixelles, et là en fait, en chemin et vraiment contre le mur du magasin, à l'extérieur, bien il y a un type qui a posé sa couverture bleue avec ses 2-3 bazars à côté de lui, et je suis vraiment, je fais des yeux parce que c'est vraiment surréaliste quoi, c'est pas une habitude que de voir les gens installer leur plumard dans la rue. Et ce qui était le plus Enfin voilà, je suis passée devant ce bonhomme et je lui ai souri, mais pas du tout, vous savez, la bonne sœur, mais j'ai souri, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était vraiment marrant aussi, voilà. Et ce bonhomme, en fait, a répondu à mon sourire, pas du tout agressif, à la limite, il s'est même amusé lui-même de cette situation. Et donc après, je suis allée le trouver, on a papoté ensemble et... au soir, eh bien, avec Noémie, on est allé le retrouver et on a pris le temps ensemble de cette rencontre. Voilà. Donc, rencontre dans la rue, le soir, il y a du vent qui souffle, il fait pas froid. Heureusement, cette nuit-là, il fait pas froid, mais il y a un grand vent et Frédéric nous raconte un peu son histoire. Voilà. Alors, tout de suite dire que c'est pas du tout, vous savez, le scoop de l'année en se disant l'intention n'est pas du tout celle-là. C'est pas du tout pour dire, ben regardez-nous. Non, non, non, c'est pas ça l'intention. L'intention, c'est de suivre l'histoire de Frédéric, d'essayer de partir avec lui sur son fil et de comprendre et d'accepter peut-être. C'est tiens, une amie... qui parlait, ça, entre la différence entre comprendre et accepter, comprendre c'est raisonner et accepter c'est plus quelque chose qui vient des tripes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont plus envie de rien et qui n'ont même pas envie d'aller dans ces centres d'accueil où c'est vrai, il faut payer, c'est vrai, il y a un horaire à suivre, les portes sont fermées à une certaine heure, c'est vrai, mais il y a des gens voilà, qui ne veulent absolument... rien. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rien? Ça, c'est une autre histoire. Se poser la question de qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Est-ce que j'ai demandé à vivre d'être là, sur la Terre? Vaste horizon. Voilà. Tout de suite, rencontre avec Frédéric, Noémie aussi, dans la rue, un soir. C'était genre le 24 décembre. Voilà. Rencontre. Après. Rencontre du troisième. Ouais, ouais, ouais. Rencontre avec Frédéric. Comment tu vas, Frédéric? Bon, ça va. C'est quoi ça? Non, mais t'inquiète pas. Hein. Je te jure que. C'est pas des plans là, 6 4 2, c'est tout simple, c'est te rencontrer toi. Ben. Voilà, si tu le sens de nous emmener un peu dans ton histoire. Ah ben, moi je suis arrivé sur ce monde, je sais même pas comment déjà. Un peu comme tout le monde. Parce que moi, j'ai les cheveux noirs et la barbe rousse. Déjà, rousse? Je me pose des questions. Rousse? Ouais. Tu rigoles? C'est vieux. T'es tout foncé, t'es noir de cheveux. Rousse? C'est roux. Attends, je l'ai coupé il n'y a pas longtemps. Hein. Oh. Donc, bizarre, ça, déjà. Et puis, j'ai atterri... Ah non, non, d'abord, ce que j'ai fait en Corée, parce que là, ils ne me croient pas. Hein. T'es allé en Corée? Bah non, je suis né là-bas. D'accord. Donc, ah ouais, un an et demi, j'atterris en Belgique. Mais avant ça, j'ai des souvenirs. Hein. Ouais. Par exemple, le marchand avec une poussette qui donnait des bas bleutes contre une vidange. En Corée, ça? T'avais quel âge, alors? Bah, en dessous d'un an et demi. Quoi, t'as des souvenirs d'un an et demi? Ouais. Allez. Et alors? Bon, j'ai quand même trouvé une vidange. Elle m'a donné une bas bleute. Et un jour, je veux sortir de la maison. Et là, c'est des portes coulissantes. Moi, je fais glisser la porte et je vois un mur de neige. Moi, je devais sortir, quoi. J'ai commencé à gratter dans la neige. J'ai fait un tunnel. Et Spider-Man, hein, l'homme araignée, là. Ouais, mais j'ai pas vraiment vu. Je l'ai vu, hein. Tu l'as vu en film ? En dessin animé. Ah ouais. En Corée, hein. Ouais, bon. Après, bon, j'étais dans l'avion. Attends. Tu parles de la neige. Tu dis que t'as gratté pour sortir. Ouais, pour sortir. C'était en Corée, ça. Bah ouais. Une neige en Corée ? Ouais. La feinte. Je sais pas, hein. Mais si, une neige. C'est très montagneux, là. Ah, je sais pas. Quoi, c'est des souvenirs que tu as, ça, la neige là-bas en Corée et l'histoire de la Babelute. Hein. Et puis tu prends... Et leur gâteau en forme de losange. Parallélogramme. Parallélogramme. Ouais. Eh ben, c'était des gâteaux de riz. Alors, dans l'avion, un an et demi, je devais m'occuper des bébés, mais c'est... Et les femmes qui... Ouais, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Hein. Les femmes ? Non, les bébés. Les bébés coréens qui se faisaient adopter en même temps que moi. Ah ouais. Mais ça, de toute façon, t'as pas le souvenir, quoi. Ça, on t'a raconté. Non. T'as le souvenir d'être un petit bébé d'un an et demi avec plein d'autres... Je m'en souviens même quand on a fait escale en Afrique. La chaleur qui m'a... Bah ! Comme si c'était une bave, là. C'est vrai, tu t'en souviens. Et les vaccins qu'ils m'ont fait, c'est ça, j'ai encore des cicatrices, hein. Bande de sauvages. Bon, donc j'arrive à Zeventem. À quel âge, là ? Ben, un an et demi. J'avais un an et demi. Eux, ils me donnent un panda aussi grand que moi. Bon. Ok. Bon. Après, on va chez eux, là. Hein. Ça. Mais dans ma première famille adoptive. Et là, j'essayais le violon. Hein. Quoi, t'essayes le violon parce qu'on te dit que tu dois apprendre le violon, parce que t'as envie d'apprendre le violon. Ben, j'en sais rien comment je... Tu te revois en tout cas avec un violon dans les mains. Quoi. Ouais. Et là, bon, ça va. Et à un moment, leurs propres enfants, hein, leurs fils, volent dans un magasin. Et il y en a un des deux qui me lance la noix de coco. Moi, je fais ça. La noix de coco qui tombe à terre. Le magasinier m'attrape. Hop, directement chez mes parents adoptifs. Là, moi je ne savais pas encore parler français, hein. Je reçois un coup de ceinturon, boucle de ceinture, hein, ici. Bon, ça pisse le sang et tout, et je chiale. Quoi, Frédéric, tu reçois le coup de ceinturon de qui ? Ben, du père adoptif. Ah ouais. Et, bon, je me nettoie et tout, et puis je vais au lit. Et je dors. Et tout d'un coup, je sens la fumée. La baraque qui cramait. Pas de chance. Ça, c'est... Ah ouais. Et bien sûr, je descends le dernier. Hein, je sors le dernier de la maison. Paf, c'est de ma faute encore. Nom d'un bonhomme. La baraque a cramé. Hein. Et ils m'ont remis à terre des hommes. Terre des hommes. Terre des hommes, ouais. Ben, c'est ceux qui font adopter les enfants. Ouais. Donc là, on peut dire qu'au début, t'as pas de chance, quoi. T'as la baraque qui crame. C'est pas moi, hein. Non, mais... C'est leurs propres enfants. Miardés. Alors, j'arrive à Terre des hommes. Bon. Là, je bouquine. Hein. Et à un moment, il y a une fête pour tous ceux qui vendent les bics de terre des hommes et tout ça, tu vois. Et Madame Bond, la présidente de Terre des Hommes, Elle est morte maintenant, mais enfin, soit. Madame Bourne me demande de choisir entre deux familles. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais. Il y avait ce je porte le nom maintenant, qui avait déjà adopté une Coréenne. Et il y avait une femme avec son fils toute seule. Et moi, directement, je choisis là où il y a la Coréenne, quoi. Ouais. Ah ben, ça a été mon tour, là, encore. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Quoi, en gros, c'est ta deuxième famille adoptive. Et t'es resté là longtemps? Ben, attends, hein. Donc, je suis arrivé à 4 ans, moi, là. Jusque 10, 11 ans. Donc, ça fait 6 ou 7 ans. Oh, ben, moi, j'arrêtais pas de fuguer. Déjà, on m'a mis dans un collège. Moi, j'étais toujours premier ou deuxième de classe. Et ça, je sais pas pourquoi, ça plaisait pas au prof, ça. Pourquoi? Ça plaisait pas que tu sois premier ou deuxième de classe. Non. Mais normalement, ça leur plaît bien, ça, au prof. Ah non, non, non. Il a commencé à écrire des conneries dans mon journal de classe. Et mon père adoptif a commencé à me taper, à me faire faire des boulots. Enfin. Et puis de là, à la fin, j'en avais tellement marre, j'ai dit aux gendarmes, moi je retourne plus chez eux. Moi, je vais être placé. Parce que, de toute façon, j'avais encore les cicatrices, hein, de ce qui me faisait ces offres. Être à genoux sur une lime, tu vois, avec les dents. Mmh. Une lime avec des dents, hein. Pendant des heures. Avec des bouquins. Ouais, les trucs bien tapés, quoi. Hein, mmh. Pour que ça s'enfonce encore bien, là. Pourquoi ils faisaient ça? Parce que le prof écrivait des conneries dans mon journal de classe. Des trucs faux. Des trucs faux. Ouais. Comme quand moi je volais tout le bazar. Aïe. Donc, après, bon, j'ai fait les maisons de jeunes, les hommes de jeunes. Et c'est là que. Au pensionnat Jules Lejeune, à Rosenbeck au Pum. C'est là que j'ai rencontré Jean-Claude Van Warenberg, Van Damme. Ah ouais, Jean-Claude Van Damme. Ouais, son vrai nom c'est Van Warenberg. Hein. Non, voilà. Et ce grand con, il voulait faire la loi avec moi. Attends, tu veux dire que l'acteur, si on peut l'appeler comme ouais. Ça, parce que franchement. Acteur, ouais. Ouais. Ce mec, en fait, il vient. Ouais. Qui vient dire le contraire, ce con. Mmh. Tu vas voir. Tu vas avoir une deuxième leçon. Quoi, ce mec voulait faire la loi avec toi. Ça veut dire qu'il voulait faire la loi du plus fort, quoi. Et c'était un l'éducateur, c'était un Vietnamien. Il m'a laissé faire, je sais pas pourquoi. Mais il t'a laissé faire? Ouais. Tu lui as cassé la gueule? Pas du tout, je l'ai juste mis à terre. Il s'est pas relevé. Et j'étais prêt. Et j'ai dit non. Et après, c'est moi qui ai dû le protéger, hein, ce grand con. Qui a dû le protéger? Ouais. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Juste dans un petit bruit. Dans le dancing et tout. C'était ton copain? Bah ouais, on est devenu copain après. Parce que moi, je l'ai pas frappé, quoi. Sinon, pourtant, je pouvais, hein. Mais j'ai pas fait. fois t'es allé au pensionnat Jules Lejeune pendant combien de temps encore? Là? Ben, on a été en Italie. Avec le pensionnat? Là où il y avait un serial killer qui tuait les couples, et c'était tout près du camp en plus. Oh! Ouais. Firenze, Florence. Et ça, c'était pendant les vacances, quoi. Bah ouais. Mais ce connard de directeur, il a volé tout le monde aussi, hein. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis voler? Ben, il nous a volé. Il a volé les enfants qui étaient placés, quoi. Il s'est cassé avec tout le pognon, hein. Ouais, mais ça arrive, hein, ça. Mm-hmm. Et quoi, alors, forcément, la maison de John, elle a dû changer de directeur, quoi, non? Ben, j'ai été voir il n'y a pas longtemps. C'est plus comme avant, hein. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Bah, ce qui a changé. C'est pas les mêmes qui sont dedans, quoi. Ouais. Enfin, j'autre. Ouais. Et le juge, là, hein. Parce que tant que c'était la femme, ça allait. Mais comment, tu te souviens pas de son nom, le juge? Charles. Juge Charles de Mons. Salopard. Et ça c'est un pédophile, hein. Chaque fois qu'on allait le voir, il parlait de sexe, ce con. Arrête. Véridique. Véridique. Quoi, chaque fois que t'allais voir ton juge, ouais. Derrière un bureau, il te parlait de cul. Ouais. Bah, explique une anecdote, que je comprenne. Une anecdote? Il me demandait quel âge j'avais, moi. 14, 15 ou 16 ans. Il me demandait si j'avais déjà fait l'amour avec une fille, tout, des trucs comme ça. Ça va, dis. Alors que ça n'avait rien à voir. Je me suis amené avec un couteau de para, hein. Et je l'ai planté sur son bureau. Où est mon argent, connard? Oh. Ouais, ouais. Et quoi, c'était quel argent? Mon argent. Parce que moi, je savais que j'avais droit à de l'argent. Déjà, mes parents adoptifs, ils payaient. Hein? Enfoiré, moi, je suis pas si con qu'on croit. Tu veux dire que quand on est placé comme ça, il y a des sous qui se mettent. Et toi, tu. C'est certain, ça. Tu demandais cet argent, quoi. Allocation familiale, déjà. Normalement, il y a un tiers qui doit aller sur ton livret. Un tiers pour toi et un tiers pour le home. Donc ça fait deux tiers pour toi, quoi. Non, un tiers. Tu dis un tiers d'allocation familiale. Ouais. Un tiers qui va pour toi. Ouais. Et un tiers pour le home. Où est cet argent? T'as pas pu le toucher une fois que t'as eu ta majorité? Il y avait que 90 francs en belge. Ah ouais, c'est pas normal. En plus, je dois payer pour clôturer ce compte et ils sont malades, c'est sûr. Et quoi, une fois que t'es passé à Jules Lejeune, pourquoi t'es parti de cette institution-là? Pourquoi? Parce que j'en avais marre. Tu t'es fait virer, quoi? Non. C'est moi qui allais chaque fois devant le juge. Pour lui dire que ça te plaisait pas, que tu voulais aller trouver autre chose. Ah ouais? Eh oh. Et alors après ça, t'as fait quoi? Le home que j'ai pas aimé, c'était chez les Flamands. Et c'était les handicapés qui faisaient à manger. Aïe! Là, heureusement, je suis tombé en plein période de vacances, tu vois? Là, j'ai direct cavalé, quoi. Et j'ai dit au juge, la prochaine fois que tu te mets dans un truc comme ça, connard. Je te plante une deuxième fois mon couteau de para sur ton dos, quoi. Sur ton bureau, carrément sur ton dos, quoi. Ça va. Les handicapés, ils faisaient tomber le steak à terre, hein. Et à terre, c'était dégueulasse, quoi. Et ces connards, ils remettaient dans la poêle. Sans nettoyer rien, quoi. Et de toute façon, c'était des trucs de militaires, tu vois, qu'on ouvre... Quand tu ouvres ça, hein. Emma, l'odeur... Ouais, j'ai vite cavalé, tu sais, moi. Mais quoi, en gros, t'as fait combien d'institutions c'est comme ça? C'est un home de redressement, hein, ça. Oh, yo. Hey, j'ai quand même fait cavaler, moi. Et Namur, à Saint-Servais. Ah, c'est pas uniquement pour les filles, ça, Saint-Servais? Non, il y a une prison à Saint-Servais pour les filles. Et tu as un home de jeunes. Ben moi j'ai été dans ce home. On a fait tout le tour des Ardennes à vélo. Hein? J'ai fait une joute sur la Meuse. Tu vois, avec leur long perche là. Et les autres, ils étaient occupés à pagayer. Et moi, j'étais habillé en page. Et on devait faire tomber l'autre, quoi. Quel bazar. Enfin. Alors, ouais. L'aviron. Mais quoi, en gros, Frédéric, t'as fait plein d'institutions. Ok? Tu dis si je me trompe, hein. Tu t'es fait virer de partout. Non, je ne me suis pas fait virer, c'est moi qui cavalais. Ok, c'est toi qui cavalais. Et quoi, il y a un endroit dans toute cette période-là que tu as bien aimé ou bien que tu es resté jusqu'à ta majorité ou bien vraiment... La majorité, à 18 ans, ils m'ont dit « démerde-toi ». Mais t'étais pas content puisque de toute façon, c'est ça que tu voulais, tu te cassais de partout. Enfin, ou bien tu t'espérais. En plein hiver, il faut pas exagérer non plus, hein. Enfin. Maintenant, l'éducateur référent que j'avais, il a le diabète. Et ça, c'est pas de ma faute. Hein. C'est comme ça, hein. Mais t'es bien content quand même. Ah ouais, c'est lui qui m'a foutu à la porte. Qui m'a dit démerde-toi. Ah ben. Léon, on va voir combien de temps il va se démerder. Quoi, alors t'as 18 piges et on te dit dans ta dernière maison... Le Mont des Arts, c'est là que j'ai dormi, sur le banc. Première nuit quand on t'a dit t'es libre, fais ce que tu veux de ta vie, c'est plus notre problème. Ouais. Et toi t'as choisi de dormir sur un banc. J'aurais dû aller voir le juge ce jour-là. Mais... À part cavaler, t'avais envie de faire quelque chose de spécial dans ta vie? Ouais. T'avais des envies? Tu vois, à part le fait de cavaler et de te casser chaque fois parce que ça te plaisait pas, t'avais quelque chose qui te plaisait, que t'aurais bien aimé faire. T'avais des envies, quoi, des envies de choses à faire ou... T'avais des projets dans ta tête de... En dehors de dire non, quoi, à ce qu'on te proposait, t'avais quelque chose... Moi, j'ai fait pas mal de boulot. Ensuite, après, hein? Une fois qu'on t'a laissé ta liberté. Mais même avant, hein. Même avant, quand j'étais dans les homes de jeunes, je travaillais. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, alors? Tu cherches quoi? C'est quoi ça? C'est mon appareil pour mettre dans les oreilles. Mais quoi alors Frédéric, nous on te rend compte comme ça, t'as ton pieu comme ça à l'extérieur dans la ville, d'accord? C'est ta maison, ok? Et moi j'aimerais comprendre comment... Comprendre quoi? Comment ça se fait que t'as ton pieu comme ça dans la ville quoi, dehors, dans la... Parce que les maisons d'accueil, les CPAS, c'est tous des voleurs. Excuse-moi de le dire, mais c'est la vérité. Quoi, tu veux dire qu'ils ne pensent qu'à ton fric ou bien ce sont des gens qui sont pas gays à rencontrer et qu'il faut suivre une certaine norme, une certaine loi, que t'as pas envie, de t'y soumettre, le quoi. Le problème, c'est qu'ils disent qu'ils aident les gens. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ils les foutent encore plus dans la merde. C'est ça le problème. Ouais, explique quelque chose de concret pour qu'on puisse comprendre. Parce que, en gros, regarde, attends. Dans Bruxelles, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens à la rue, d'accord ? Parce que les loyers montent, parce que c'est la pression comme ça. Mais bon, il y a aussi une autre histoire, dans le sens que pour... Il y a plein de maisons... Il y a plein de maisons qui accueillent des gens dans la rue. Ça c'est vrai. J'ai déjà entendu. Pour l'argent. Pour l'argent, mais pas pour les aider. Mais Frédéric, entre nous, franchement, ces endroits qui accueillent des gens dans la rue, on peut pas dire qu'ils peuvent profiter de toi, puisque de toute façon, tu n'as rien. Tu vois ? Mais si, mon chômage. Ils peuvent profiter de mon chômage. C'est pas grand chose, quoi. Quand ils te proposent une nuit à combien d'euros, par exemple ? Quand même une trentaine de mille, hein. Ton chômage à toi ? 30 000 francs belges ? Ouais. Ok. Mais maintenant, si t'as pas envie de te retrouver dans la rue, tu vas payer une nuit dans un endroit ? Non, j'ai assez de payer, moi. En fait, ce qui t'emmerde, c'est pas vraiment la maison qui accueille, c'est simplement qu'on te demande des sous. C'est ça ? Bah ouais. Ils reçoivent tout gratuit. Déjà, la banque alimentaire leur donne à manger. Hein ? Et, par exemple, les petits riens, ils reçoivent des vêtements, des meubles, tout. Tout. Ils reçoivent tout gratuit. Uh-huh. Et ces salauds, ils nous font payer. Et en plus, on est obligé de travailler pour eux. Donc, double bénéfice. Travailler, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que quand t'es dans la rue, que t'es dans la merde, ils vont pas te faire travailler quand même. Non. Si tu veux être hébergé, tu dois travailler. Sinon, que dalle. Donc, tu dois payer. En plus, t'es obligé de travailler. Ou sinon, reste bien dehors. Ça, c'est leur mentalité. Quoi, t'as fait beaucoup de maisons d'accueil pour pouvoir dire ça ? Parce que moi, j'ai rencontré, il y a déjà un petit temps, des maisons d'accueil. Tous ? Je les ai tous fait. J'ai pas le souvenir qu'ils parlaient de sous, mais j'ai le souvenir qu'il y avait des files d'attente et qu'ils pouvaient pas accepter tout le monde parce que il y avait une file qui attendait dans la rue, quoi. Mais que c'était pas une question d'argent, quoi. Regarde, déjà ceux qui sont au CPS, ils doivent payer le 3/4. De leur revenu. Le 3/4, tu sais, ça fait combien ? Ça fait déjà pas mal sur un montant. Sur 26 000 quoi. Sur 26 000 francs belges. Hein. Alors, donc, s'ils veulent rester, ils doivent travailler. Soi-disant, ils gagnent une petite somme par semaine pour leur travail. Et c'est quoi ça ? Et quoi, toi t'aimerais un endroit où pouvoir dormir, bouffer et tout sans que tu doives rien payer. C'est ça, ta vision ? Non, c'est pas ça ma vision, mais moi, déjà, ils sont sponsorisés par l'État. Hein ? Ah si. Moi, j'ai fait l'ouverture d'une maison d'accueil à Liège. Déjà, le directeur, c'est un voleur parce qu'il a volé l'armée du salut. Plus de 3 millions ou je sais pas quoi. J'ai entendu. Hein ? Il ouvre une autre maison. Le ministre de Tienne vient faire l'ouverture. Et moi, je lui ai carrément dit, ah, dans sa gueule à ce con. Hein. Qu'est-ce que tu fous là, connard ? Mais encore ? Donc, ils aiment bien les voleurs, et c'est des voleurs aussi. Ouais, j'essaie de comprendre ta logique, quoi. Parce que de toute façon, c'est comme ça, le système, il est fait comme ça. C'est-à-dire que si tu veux un endroit où dormir, où faire ta bouffe, où avoir chaud, eh ben, tu dois payer. Tu dois payer. C'est comme ça, tu vois. Et peut-être que dans les maisons d'accueil, ce qu'on te demande, bah, c'est déjà, enfin, c'est très basique. J'écoute ce que tu dis. On te demande un minimum de participation. C'est-à-dire que si tu as un petit revenu, bah, on te demande de participer, voilà. Avec ton moindre revenu, là, on te demande un minimum pour pouvoir. Moi, je trouve ça, quelque part, je trouve ça bien. Ouais. Parce qu'en même temps, tu dis, bah, tiens, moi tu dis que tu as le chômage, ça veut dire très très bien. Bah, moi, j'ai pas vraiment de maison, je vis dans la rue. Même que je suis dans la rue, j'ai droit à mon chômage. Bah, tant mieux, ok. Ça veut dire que tu rentres quand même dans le système. Tu rentres dans le système de paperasse, de papier, de. Ok, t'es au chômage. T'as pas vraiment d'endroit où dormir. Tu me suis ? Mais la société propose pour des gens comme toi. Sans maison, sans toit. Oh, mais c'est mieux en France. Hein. Au moins. C'est gratuit. Ouais. Mais quoi, toi, ce que tu voudrais, c'est garder ton chômage pour toi tout seul et pouvoir en faire ce que tu veux. C'est pour ça que t'as choisi la rue ou quoi? Bah ouais, entre autres. Et qu'est-ce que t'en fais de ton chômage alors? Je te dépense. Vous allez trop vite, les gars, moi je peux pas suivre de l'autre. Je te dépense. Ouais, mais. Moi, je suis d'accord pour vivre dans la rue, hein. Je veux dire, par là, ok, ta philosophie, elle est, je vis dans la rue et les institutions, j'en ai... De toute façon, j'ai déjà dit aux assistantes sociaux, hein, sociales, ouais. Que dans la rue, ça coûte plus cher que quand on est à l'intérieur. Pourquoi? Ça, ils veulent pas me croire. Explique pourquoi. Pourquoi? Parce que, avant, hein, les SDF, ils s'entraidaient, tu vois. Chacun payé, hein. Pour bouffer, par exemple. Ouais, des trucs comme ça, boire, tout, quoi. Boire. Mais maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Maintenant, c'est ça, chacun pour soi. Merde, j'ai plus à boire. Ouais. De toute façon, j'ai rien à voir là avec toutes ces conneries. Tu comprends, toi? Voici un gars, Frédéric, qui se retrouve dans la rue, mais en fait, le mec, il veut rien payer, mais quand même, il a des sous. Il reçoit, mais il veut rien... Bah, peut-être ça dépend peut-être comment on traite humainement dans les centres d'accueil aussi, hein. Parce que je sais pas moi comment on est en dehors des sous. Il y a aussi, ouais, peut-être comment on est vu, comment on est. Ça, il a pas parlé. Non, hein. Non, mais je demande, il y a peut-être d'autres. J'en sais rien moi. Non. Tu sais, c'est quoi le chômage, Frédéric? Le chômage que tu reçois, donc les sous que tu reçois. C'est les boulots que j'ai fait. Tous les boulots que j'ai fait. Et que les patrons ont payé. Ils m'ont payé et ils ont payé en plus à l'État. Tu vois? L'ONSS. Mais quoi, comment t'envisages l'avenir dans une vision comme tu as là maintenant? Dans le sens où tu reçois des sous, mais tu veux rien payer, ni personne, aller tous vous faire foutre. Comment tu vois maintenant, demain, après-demain, dans cette vision-là, quoi? Demain ou après-demain? Tracasse pas, moi. Non. T'as pas envie d'être bien au chaud dans un petit endroit à toi, à la vue comme ça de tout le monde. Alerte. Il y a le gobelet en plastique qui s'envole avec le vent. Alors Frédéric est parti le chercher. T'as l'air d'être très important. De quoi? Hein? Tu comprends ce que je veux dire? De quoi? Qu'est-ce qui est important? Ton gobelet. Hein? Parce qu'il s'envole. Voilà, explique. Quoi? Nous, comment est-ce que tu vois, ou alors tu vis vraiment au jour le jour et tu t'en fous de demain, ou si tu peux rêver, te dire, tiens, moi, je me vois comme ça dans plus tard, comme ça je me vois. Comment est-ce que tu te vois, par exemple? Moi? Oh ben... Comment je me vois? Un qui aurait jamais dû atterrir dans cette terre. Ah ouais. Et quoi? Je peux pas être plus précis là, non? Ouais, ouais, c'est très précis. Un qui aurait jamais dû. Ah. Oh ben, bon voyage. Un qui aurait jamais dû vivre sur cette terre. Toi, d'une certaine manière, hein. Tu vois, regarde, en face de nous, il y a une maison. Ouais. Des gens qui sont accrochés dans des murs et qui vivent là tout le temps et qui sont accrochés à devoir faire tous les jours plus ou moins des mêmes activités pour maintenir tout ce qu'ils ont là, hein, travailler, les enfants, ou je ne sais pas, moi j'invente. Toi par exemple, tu as la liberté, dans le sens, tu n'es pas attaché à un boulot, à une maison, et cette liberté-là, tu vois, t'aurais envie d'en faire quoi? Je ne sais pas. Je t'ai jamais posé la question. En faire quoi de ma liberté? Ah bon? Parce que toi, tu restes quelque part au même endroit. Tu vas où de l'Est faire tes courses, qui est juste à côté. Non, non, parce que quand moi je leur demande de changer ma monnaie... Oui, oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Quel bazar. Ah ouais, je parle wallon, hein, de temps en temps, c'est normal. Parce que j'ai été élevé à Ecosina, le village de Gilos Bocan. Ouais. Et la baraque, ils l'ont appelée l'Ermitage en plus. Je l'ai aidé à construire en plus, hein, cette baraque. Hein? Et quoi, maintenant, t'as plus envie de construire de baraque? Ben, ça va, je l'ai assez fait, hein. Mais d'autres, par exemple, où t'as plus envie de rien, quoi, c'est ça? T'attends quoi, là, maintenant? Ben... Tu peux pas rester éternellement comme ça, au même endroit, avec ton pieu dans... Ah non, non, c'est rien que l'hiver, là. C'est rien que l'hiver. Un petit passage comme ça, saisonnier. T'hibernes un peu, quoi. Ah non, j'hiberne pas. Hiberner, c'est dormir, hein. Je suis pas un animal, moi. Et au printemps, alors, ça va se passer comment? Ça, j'en sais rien. Mais l'année passée, ça s'est passé comment au printemps? L'année passée, j'étais à Liège. Je sais plus quand j'ai quitté Liège. Ah ouais, c'est juste. Quand l'hiver a commencé à arriver. Et là, j'ai été à Moucron. De Moucron, j'étais... Mais quoi, tu pionçais aussi dans la rue? Non, non, j'étais dans une maison d'accueil. Ah voilà, Moucron. Donc t'as fait des maisons d'accueil. Alors, de là, je suis parti à l'île de Flandre. Là, j'ai fait un Emmaüs, un jour, et là. Parce qu'il me demandait de démonter des machines à laver, tout ça. Et il me donnait même pas les outils qu'il fallait. Et j'ai dit, y en a marre, je retourne en Belgique. Ça va, dis. Mais là, on paye rien. Hein. On paye rien. Mais ça va. Je n'ai rien. Il y a du vrai vent là. Hein. Il y a le vent qui souffle. Du vrai vent, hein. À poubelle en plus. En fait, t'aimes bien quand tu dois rien payer, quoi. Bah ouais. Ouais, j'ai déjà engueulé les Pakistanais, moi. Hein. Je les ai déjà traités de voleurs, hein, ceux-là. Oh, quand ils demandent des prix, ils s'en foutent. Et avec l'euro, ils en profitent encore plus. Oh, yo. Mais ça va, lui, celui ici au coin, ça va. Il est plus ou moins calme, au point de vue prix. Hein. Mais il y en a beaucoup qui se plaignent ici, hein, que c'est cher au Deleuze. Ouais. Ça. Moi, je pourrais leur dire d'aller au Colruyt, mais... Bon, Frédéric, est-ce que tu vois quelque chose d'essentiel à dire que tu n'as pas encore dit? Oui. Les socialistes, c'est des voleurs. Tu sais que les ministres socialistes en Wallonie, ils ont eu 40 milliards d'euros pour aider la Wallonie. Et où est-ce qu'ils sont? De la communauté européenne. Hein. Leur monument. C'est tout ce qui leur intéresse. Soi-disant, ils ont mis de l'argent pour leur monument et tout. Mon œil, ouais. Le monument? Ouais. Et ça, c'est pas vrai, moi je sais. Déjà, il y a le service Adil, hein, à Jambes. C'est-à-dire que quand tu trouves un appartement ou quoi, tu as droit à faire la demande de l'Adil. Et ça, le premier mois, il te donne 400 euros, et pendant 2 ans, 100 euros, tous les mois. Et tu sais combien de temps j'ai dû attendre, moi? Presque 1 an. Et moi, je leur ai dit, mais vous foutez de ma gueule, là. Vous voulez que je me retrouve encore dans la rue ou quoi? Oh. Ah ouais, les ministres. En fait, l'émission de radio, elle se termine toujours comme ça. T'es dit? Ça tose. Non, c'est pas le mien. C'est pas le mien. On a des problèmes de briquet ici. Bon, Frédéric, l'émission elle se termine toujours comme ça. Pour que les gens qui vont t'entendre, en fait, c'est une phrase rien qu'à toi. Et ça peut être une phrase. Tu peux raconter une blague si t'as envie. Tu peux faire une petite phrase philosophique, même poétique. Quelque chose qui te touche, quoi, personnellement. Une phrase. Un petit discours, un mini-discours, quelque chose que ça... Je sais pas si tu connais un peu la philosophie des philosophes ou une blague que tu trouves vraiment marrante à en mourir. Tu racontes à chaque... Ça se termine là-dessus. Ça se termine sur tes mots à toi. Ah bon. Je sais pas ce qui se termine, moi. Ça peut être la continuité aussi, c'est pas forcément que ça se termine, mais une pensée à toi, rien qu'à toi, du moment là que t'as envie de faire partager. Bon ben, joyeux Noël à tous, quoi. Ouais. Bah ouais, on est... Lesquels heures, en fait? Je sais pas. Joyeux Noël, voilà. Et que l'année de 2005, ça fassiez pas trop de conneries, quoi. On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. Saluer les petits rois. espérais entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers. Un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Latéralement, le prince entame des protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrêtent sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Voilà, on se retrouve non pas la mercredi prochain, mais dans 15 jours, 16h-17h. Voilà, à la semaine prochaine. Oui, tout de suite le Campus Info avec Serge. Voilà, ciao. Micro ouvert, les mots ont des oreilles. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Il est pratiquement 17h, voici le Campus Info.